Terre tropicale, RFI. RFI. Intertropicale, RFI. Bonjour ou bien rebonjour, 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI. Religion du monde. À l'occasion du 90e anniversaire du Dalai Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain, la question de sa succession est posée. Défenseur charismatique de son peuple, de sa culture, de sa religion menacée d'effacement par la Chine, le Dalai Lama prépare sa réincarnation. sur 24. Intertropicale, RFI, le monde est chez vous.